et des apathistes ou qui ne suivent pas vraiment de près, on va essayer un petit peu de reprendre quand même ce qu'est ce parcours de 18 années de lutte, puisqu'il s'était soulevé le 1er janvier 1994. Et donc, il y a eu plusieurs étapes jusqu'à cette dernière du mois de décembre. Et donc, voilà, l'année 2013 s'annonce nouvellement avec les apathistes, même si c'est un processus qui est tout à fait uniforme, si on peut dire. Il n'y a pas une vraie rupture dans le processus, mais en même temps, c'est une avancée, c'est des nouvelles donnes. Il y a eu des élections, donc des nouveaux partis au pouvoir, donc des nouvelles personnes, des nouvelles stratégies mises en place, puis des réactions aussi du côté des apathistes, et du coup ça entraîne des réactions aussi au niveau des institutions. Donc voilà, on essaiera un petit peu de vous parler de ce qui se passe là-bas. Et en fin d'émission, en deuxième partie, je ne sais pas à quelle heure il arrivera, il avait un petit peu oublié, donc je pense qu'il sera avec nous en tous les cas. C'est un copain du Mexique qui a été dans l'autre campagne, je l'ai rencontré justement à cette occasion. Il a des projets ici sur l'Europe et la France, il nous en parlera. Enfin, c'est les projets de lui et d'autres, et notamment donc, du groupe Resistencia et des gens de Atenco, et c'est-à-dire des gens qui étaient en lutte, dont on a parlé plusieurs fois dans la région du Mexique. Donc il y a l'idée d'une tournée pour les 20 ans de Resistencia, et puis pour accompagner donc Ignacio del Valle, qui était un prisonnier des communautés du front, des peuples en défense de la terre, FPDT, ce qui correspond à la lutte d'Atenco, donc emprisonné plusieurs années, et finalement donc libéré. Il a la proposition, c'est de pouvoir les accueillir en Europe et en Turquie également. On en parlera avec lui en deuxième partie de ce projet, et également de la situation au Mexique, puisque lui vit là-bas, et donc nous parler pas seulement du Mexique à partir des apathistes, mais de ce qui se passe dans l'ensemble du pays, des luttes là-bas. Donc, à tout à l'heure, on va faire une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet. Thank you. placed in here. What better time than now? FPP, Fréquence Paris Pluriel, vous êtes dans le programme mensuel du comité de solidarité avec les peuples du Chapa sans lutte, c'est-à-dire le comité de solidarité avec les apathies, si on veut faire plus court, même si l'objectif de ce comité, ce n'est pas de s'intéresser qu'aux apathies, mais à toutes les luttes, et donc en général, travailler à la convergence des luttes, c'est un peu aussi ce qu'on a envie de faire dans ce programme, la jungle des luttes, où en général, on essaye d'inviter tous ceux que l'on rencontre sur notre parcours. Et donc, on a déjà reçu un certain nombre de collectifs. Et justement, il y avait un petit jingle, si vous avez pu le voir, qui reprenait des sons de Notre-Dame des luttes, Notre-Dame des Landes. Notamment par exemple, mais on a aussi reçu des collectifs qui ont pu nous parler de la question kurde ou des prisonniers, des étudiants prisonniers en Turquie ou encore des associations qui travaillent sur la question de recyclage ou sur des collectifs aussi qui s'occupent des Indiens d'Amérique, etc. Donc on les salue et on en profite aussi pour saluer FPP qui fête ses 20 ans et qui a aussi besoin de soutien et en concret besoin de soutien financier. Donc si vous voulez bien participer à l'effort pour essayer de faire en sorte que FPP ça continue. Donc c'est association Paris, Association Paris. Je sais qu'à l'ordre de l'Association Paris, et ce sera le bienvenu. Donc, on revient sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, justement, puisqu'on n'en parle finalement pas souvent. C'est donc de cette organisation zapatiste et de toute la lutte qui a été menée jusque-là. Donc il y a eu le soulèvement le 1er janvier 1994, c'était un soulèvement armé, c'était une déclaration de guerre à l'État, et notamment avec des revendications multiples, on santé, travail, toit, justice, liberté, démocratie, alimentation, éducation, information, et indépendance. Et donc c'était l'idée aussi d'en finir avec ce parti au pouvoir depuis 70 ans, le PRI, Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui était le parti qui a pris le pouvoir à la suite de la révolution du début du siècle et qui justement a assassiné le pouvoir qui s'est mis en place, donc a assassiné Zapata en 1919, puisque justement lui considérait qu'il fallait continuer la révolution, puisque la réforme agraire, quand bien même il y avait un article qui pouvait assurer la répartition des terres, était, il le savait, loin d'être mise en application et qu'il allait falloir encore lutter. Donc il avait continué à lutter, Zapata, quand bien même la révolution était officiellement terminée. Et c'est la raison pour laquelle justement les zapatistes se sont appelés zapatistes, en référence justement à ce vrai révolutionnaire qui travaillait non pas à la prise du pouvoir, mais à la répartition des terres et à la possibilité pour tous, et notamment tous ces paysans indigènes, de pouvoir travailler et de subvenir à leurs besoins, d'éduquer leur famille et de sortir de ces haciendas où ils étaient finalement esclaves des grands propriétaires. Donc c'est par rapport à cette lutte c'est par rapport à la lutte menée par Zapata que les zapatistes sont appelés zapatistes et se sont soulevés donc le 1er janvier 1994 avec des prises de terre et une déclaration de guerre avec des moments de guerre jusqu'à un cessez-le-feu et à une mobilisation de la société civile qui réclamait les négociations. Ce qu'ont accepté les zapatistes, puisque l'objectif n'était pas justement militaire. Donc c'est un mouvement armé dont l'objectif est politique et donc la solution politique, ce qui signifie qu'il y a eu des négociations jusqu'à des accords qu'on appelle les accords de San Andrés, et qui portait justement la possibilité pour les Indiens, les peuples autochtones originaires, de s'autogouverner et donc d'administrer, si on peut dire, les richesses du sol et du sous-sol notamment, ce qui justement a été le point de limite quand bien même il y a eu des négociations finalement au moment de mettre en application ces accords. Il n'y a pas eu de possibilité qu'effectivement cette possibilité de gérer les richesses soit acceptée. Donc la question de l'auto-gouvernement a été évidemment mise de côté, ce qui signifie que finalement cette loi qui avait mis du temps à venir, puisque les accords ont été signés 2 ans après le cessez-le-feu en 96, la loi, elle, n'est passée qu'en 2001, à la suite d'une marche justement faite par les apatistes à l'occasion de l'entrée en pouvoir d'un nouveau parti, du PAN, du Parti d'Action Nationale. Et donc ce Parti d'Action Nationale qui faisait suite justement au prix et au pouvoir depuis tout le siècle, depuis tout le XXe siècle, donc prenait le pouvoir, et c'était l'occasion pour les apatistes de réintroduire la question des accords de San Andrés qui avait été oubliée pour obliger à ce qu'il y ait une loi de voter. Et comme je viens de le dire, évidemment, comme il n'y avait pas du tout d'intérêt pour les institutions et les pouvoirs de réellement appliquer ces accords dans les termes, il y a forcément eu une loi qui a fait perdre tout son sens à ces accords, et donc une rupture du dialogue des apatistes, de la part des apatistes en 2001. Et donc l'initiative, on en a déjà régulièrement parlé, l'initiative en 2005 de l'autre campagne. Entre-temps, par contre, dans les communautés, il y a le développement de l'autonomie qui avance. Et donc des projets qui se développent de plus en plus, et notamment sur la question de la santé et de l'éducation. Et donc les apatistes ont, sur leur territoire, sur les terres qu'ils ont reprises notamment, continué à développer leurs projets pour une autre façon de vivre en toute dignité, et aussi mise en application, une autre façon de faire de la politique, ce qui est aussi l'objectif de cette organisation, c'est-à-dire... Quand ils se sont soulevés, ils ont toujours bien revendiqué le fait de ne pas vouloir être une avant-garde, mais par contre d'inviter tous à s'organiser là où ils sont, comme ils le veulent, chacun leur mode, allant évidemment dans le sens d'une non-prise de pouvoir institutionnel, mais peut-être un pouvoir sur ses vies et sur la possibilité justement de vivre comme on veut, et de repenser la question du travail, du pouvoir, de la hiérarchie, des relations entre les genres, la relation entre les intellectuels, etc. Donc de repenser un petit peu tout ce monde. Et ça a progressé dans les communautés, ça a progressé aussi puisqu'il y a eu justement des échos avec le forum social, puisqu'ils étaient... les premiers à avoir appelé à ce type de rencontre, et le forum social les avait justement salués lors du premier forum social, salué les apatistes, qui avait effectivement créé une rupture par rapport à la lutte, la question de la lutte, de la possibilité d'une alternative au capitalisme qui reste à construire et qui propose donc comme à construire depuis là où chacun est et selon son mode, et c'est là qu'on se retrouve nous. Et Et ce qu'on a envie aussi de pouvoir voir venir. Et donc, il y a l'autre campagne qui, justement, symbolise bien cette idée. Et donc, l'autre campagne qui avait été à la rencontre de toutes les luttes a permis de créer des réseaux, des rencontres et d'aller dans le sens d'une solidarité mutuelle. Donc, c'est pas juste vers les apatistes qu'il faut se tourner, mais justement vers toutes les luttes, de la même façon qu'eux se sont toujours intéressés aux luttes qu'il y a ici. Et donc en général, c'est justement cette curiosité qui permet aussi à nous de se sentir bienvenus dans ces communautés, de pouvoir travailler avec elles. Et on remercie donc les apatistes pour leur accueil dans les communautés, bien que maintenant il y a peut-être des choses qui vont pouvoir bouger. Ils ont en général toujours ouvert leurs portes. Là, dans leur dernier communiqué, dans leur dernière manifestation, visiblement, ils vont, je pense, vouloir un petit peu resserrer les liens avec les gens qui, justement, correspondent vraiment à ce qu'est leur objectif et leur idée, c'est-à-dire de vraiment... construire en avant sans regarder médias, ni partis, ni institutions, ni rien espérer. Et donc, C'est après cette autre campagne qui a essayé de stimuler toutes les luttes dans le pays et tous les gens qui ont pu adhérer à cette autre campagne qui était la Sexta Internationale, la sixième déclaration liée à la sixième déclaration qui était donc faite au moment de l'annonce de cette autre campagne, que du coup, il y a eu cette idée qu'il fallait absolument pouvoir se mettre en réseau. Et donc, depuis cette autre campagne où il y a eu la répression à Atenco, on en avait déjà parlé, puisque Atenco, c'est des gens qui ont lutté contre un aéroport, donc ce qui fait beaucoup écho avec Notre-Dame-des-Landes. Donc Atenco, c'est des gens qui ont lutté contre un grand projet d'aéroport et qui ont été victorieux, mais qui ne se sont pas contentés de retourner sur leur terre satisfaits de leur victoire, mais qui, au contraire, ont pensé qu'il fallait absolument justement aider les gens qui avaient besoin peut-être de ressorts et de motivation et peut-être de conseils et de force pour lutter contre les grands projets, puisque du coup, c'est ce qu'ils ont fait tout au long des années qu'on suivit, et ce qui fait également qu'ils ont été tout spécifiquement réprimés. Et c'est donc justement Ignacio Del Valle qui viendra probablement prochainement, qui pourra nous en parler plus en détail justement de tout ce que, tout ce que c'est Atenco. Mais du coup, c'est en tous les cas une répression qui a lieu lors de l'autre campagne en 2006, lors de la tournée des apatistes à la rencontre de toutes les luttes, qu'arrivé à Atenco, il y a une répression qui s'abat sur l'autre campagne, et du coup une tournure différente que va prendre l'autre campagne. Puis finalement, une fois que cette autre campagne a été finie, il y a eu tout le travail qui a été fait au niveau de la solidarité. C'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, il y a des rencontres et des réseaux. Donc sur le réseau des prisonniers politiques, on en a parlé aussi régulièrement. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, d'essayer de soutenir tous les prisonniers politiques, quel que soit l'état dans lequel ils sont, donc au Mexique. C'est du coup aussi des choses que nous, on devrait pouvoir essayer de relayer ici, puisqu'il y a aussi à Notre-Dame-des-Landes, où dernièrement, il y a des gardes à vue, il n'y a pas forcément des prisonniers, mais il y a en tous les cas des mobilisations, des fois, à pouvoir essayer des mobilisations, même si on n'est pas forcément attaché à cette lutte précisément. Il y a un moment où, des fois, il y a des centres d'action. Et donc, la question des prisonniers politiques, par exemple, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné au niveau de l'autre campagne. Et en tous les cas, il y avait peut-être aussi une attente alors, parce que depuis 2006, finalement, il n'y avait pas eu de manifestation des apatistes, hormis quelques lettres qui avaient pu être écrites et les communautés qui, elles, ne cessent de dénoncer les attaques qu'elles subissent, puisque c'est une politique de contre-insurrection qui, depuis 1994, en réalité, est appliquée contre les communautés qui, tout en développant donc l'autonomie, réussit à tenir et à résister malgré toute la répression. Et on attendait impatiemment les nouvelles paroles des apatistes. Et donc, ils ont justement manifesté au mois de décembre, le 21. Et donc, ils ont également plus tard écrit un communiqué le 31 janvier, puisque c'est un peu une date anniversaire pour eux, puisqu'ils se sont soulevés, comme je vous le disais, le 1er janvier, c'est-à-dire dans la nuit du 31 au 1er. Et donc, on va faire une petite pause et je vous parle très concrètement des paroles des apatistes données au mois de décembre dernier.

106.3 FPP, Fréquence Paris Pluriel. C'est le troisième lundi du mois, 19h, 20h30. Le programme du CSPCL, programme mensuel, et donc CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, et donc notamment les zapatistes. Et puisque je le disais tout à l'heure, ils se sont manifestés au mois de décembre, et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas manifesté, et ils ont tout particulièrement manifesté avec une forme que personne n'aurait pu imaginer, c'est-à-dire qu'ils ont fait une marche silencieuse, et donc ce sont des milliers de zapatistes qui ont pris 5 villes. Donc symboliquement, c'était important, puisque justement, lors du soulèvement du 1er janvier 1994, ces 5 villes qui ont été prises par le ZLN, l'Armée Zapatiste de Libération Nationale. Et donc, ce n'est pas tout à fait les 5 mêmes villes qui ont été prises, mais il y avait San Cristobal. Et donc, San Cristobal, effectivement, ils ont marché sur San Cristobal, qui est la capitale historique du Chiapas. La capitale officielle, c'est Tuxtla, mais San Cristobal, c'est la capitale historique avec effectivement tout le monde. Tout le monde colonial qui vit encore, et les montagnes tout autour qui sont peuplées d'indigènes et notamment de communautés zapatistes. Et c'est souvent là que les gens vont pour rencontrer les zapatistes, un peu le point de départ. Et donc San Cristobal, c'est donc la première ville depuis laquelle ils ont fait la déclaration, parce qu'Juan Marcos avait lu la première déclaration de la jungle Lacandon le 1er janvier 1994 depuis la place de San Cristobal. Cette année, il n'est pas sorti. Apparemment, c'est uniquement des zapatistes, puisque ce n'est pas l'armée qui a manifesté, mais les bases d'appui, les communautés donc, qui, elles, s'organisent et ont formé leur bon gouvernement donc, depuis 2003, et donc ont mis vraiment à l'épreuve l'autonomie. Et donc, ce sont elles qui ont manifesté, et c'est donc au total plus ou moins 40 000 zapatistes qui ont marché, donc une partie sur San Cristobal, l'autre partie sur Altamirano, qui était une ville également qui avait été prise, la ville de Las Margaritas. Et puis ils ont également marché à Palenque, qui elle est une ville très touristique avec un site maya, qui n'était pas une ville qu'ils avaient prise le 1er janvier 1994, mais c'est une zone dans laquelle il y a des communautés zapatistes, puisqu'il y a des zapatistes sur une très grande partie du Chiapas et sur la moitié du... Ils se moquent de moi parce qu'en fait, je fais des gestes en même temps que je parle. J'ai besoin de me représenter, je me concentre, je suis toute seule, je ne vais pas être toute seule. Alors forcément, c'est toujours plus dur. Alors je fais des gestes, donc le technicien se demande s'il doit balancer un truc ou pas. Non, mais je fais des gestes, la carte, voilà. Donc sur toute une moitié du territoire. Et donc ils ont pris Palenque, c'est la quatrième ville. Et l'autre ville qu'ils avaient prise en 2001, c'est Comitán, mais là, ils n'y sont pas allés. Par contre, ils sont retournés à Ocosingo. Ocosingo, qui est aussi également une région dans laquelle il y a des communautés zapatistes, évidemment. Ocosingo, qui avait été un lieu de bataille très violent le 1er janvier 1994, et donc là où ils ont marché. Et donc, c'est dans ces 5 villes qu'ils ont marché silencieusement. Et donc, évidemment, cagoulé. Et c'est évidemment d'autant plus impressionnant qu'on s'aperçoit que c'est notamment la deuxième génération qui marche, puisqu'ils étaient essentiellement jeunes. Et donc, c'est la marche des zapatistes sur laquelle il n'y a aucune parole, ou de temps en temps quelques petits slogans, mais aucune annonce. Et donc, la seule chose qui a été communiquée par rapport à cette marche, c'est un communiqué, donc communiqué du Comité clandestin révolutionnaire indigène, puisque effectivement, c'est le CCRI qui est au commandement politique de cette organisation. Et donc, ces commandants, ce sont des Indiens paysans, donc des gens comme tout le monde qui, lorsqu'il y a des décisions à prendre, se deviennent commandants. Mais ils sont comme toutes les autres bases d'appui, des personnes qui sont au quotidien et travaillent avec les autres et à côté d'eux, ils vivent avec eux, évidemment. Et donc, il n'y a pas du tout ce rapport au pouvoir, on l'a bien compris, ou peut-être pas du tout là aujourd'hui pour ceux qui en fait nous écoutent depuis le début, puisque la question de l'autonomie, de l'autogestion et de la question du pouvoir, c'est une reprise du mode indigène, tout en étant tout à fait contemporains de leur réalité. Donc, si effectivement quelqu'un a un pouvoir, c'est en tous les cas une charge, en fait, avant toute chose. Il est au service de sa communauté, donc c'est assez frais et assez dépend. Et il peut être évidemment révoqué à tout moment. Et donc, c'est effectivement ce comité clandestin révolutionnaire indigène qui écrit souvent à travers la plume, effectivement, du sous-commandant Marcos. Et donc, ce communiqué dit explicitement « À qui de droit vous avez entendu ?» pour une interrogation, évidemment. C'était donc « Le bruit de votre monde qui s'écroule, c'est celui d'une autre qui ressurgit. Le jour où le jour fut, c'était la nuit. Et ce sera la nuit, le jour où ce sera le jour. » Démocratie, liberté, justice depuis les montagnes du sud-est mexicain pour le comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'ECDN. Et donc c'est la seule chose qui a été vraiment communiquée à ce moment-là. Et une marche zapatiste silencieuse, et donc le seul communiqué, c'est « vous avez entendu ». Et donc en fait l'idée aussi qu'il y a un monde qui s'écroule et que c'est ce monde-là, ceux à qui il parle, à qui de droit. Et je vais justement vous lire, on va peut-être faire une petite pause musicale avant que je vous lise le communiqué qui a été donc diffusé le 31 décembre, donc quelques jours après la marche où tout le monde attendait quelque chose de peut-être plus consistant, même si ce silence voulait dire beaucoup, à savoir, enfin, ils vont nous l'expliquer eux-mêmes, de toute façon, dans le communiqué que je vais vous lire tout à l'heure. Musique. Voici le meilleur MC, le moins connu de France, le plus sensible et le plus souvent sous substance. L'immortel penseur, le seul et l'unique, un narco-branleur, plein de rancœur quand ça pue le fric. Mépris dans les veines, hautain et mutique. Tu veux ma haine, check ma putain de musique. Mon esprit est ailleurs, mes doigts sont rongés. Stigmate d'un malheur auquel j'ai déjà songé. Tu peux venir me sonder pour tes élections. Je te donnerai les noms de ceux qu'on aimerait plomber. Continuons à lutter concrètement. La pression augmente dans ma prose comme les doses des traitements. Il y a la mascarade, il y a la vérité. Il y a ceux qui s'évadent sous toutes les modalités. Action, réaction, tout est causalité. Il y a ceux qui s'engagent et ceux qui veulent profiter. Et 1, 2, 3, 4, quando mi chiamano parte l'appello. Da solo accompagnato vengo da un fratello. Mi precipito sul posto, parto dal porto, dall'aeroporto. Zero stanco morto, la gloria non paga, si muore di fama. Per la scuola e la strada, per lo studio si paga. Gente umilmente incontrata, per tutti i quartieri del mondo. Cosa dobbiamo dimostrare, tra il dire c'è il fare, tra prendere il dare. Basta un poco di rap per informare, un barbone te lo impara che è come lavorare. Dall'Italia alla Francia pezzi da cacare. Poco commerciale, rivolta popolare. Choisir entre la peste et le choléra, entre le taf, la merde et le peura. Vie précaire au nom d'un idéal, que charbonner quotidiennement est considéré comme normal. Moi j'emmerde la norme, les idées préconçues. Tu te dis déçu par la vie et les orgas. Les idées assènes comme un coup de massue. Mais dis-moi, au fond qu'est-ce que t'as vécu? Un peu trop sec, impertinent, un peu direct, impénitent. Quotidien brutal, travail su, transpire. Enrichis la masse salariale, bataille pue et délire. Ta récompense, une carte vitale. L'immigré sort du buisson, agressif, politisé, en colère et à raison. Déterminé à changer sa condition, alors que les à l'unisson. Check, check, check, check ma putain de merci. La lotta coi compari delle case popolari. Tra collettivi, ma fratelli di International Connection. Rivolta popolare. L'immigré sort du buisson. Agressif, politisé, en colère. Fucking nation states, in the borders. International collection. Sick of all these fences, sick of all these gates. Rolling through customs with a loaded mixtape. Border crossing bullshit, watching customs full of hate of another nationality. Who can't relate? But some suckers fall for this shit, but true know the deal. Asshole, we never stay for that's for real. No border, no nation, no deportation. Fucking nation states and the borders that they keep in. All that's for the rich and politicians. Wishing they would just disappear. But it's gonna take more than just a kicking in your ear. But here's a spark, a start. We got sparkles for that fire. We harness our desire and take this shit further. Cause you can't go there, she can't go here. You can't go there, why don't you disappear? Evaporate into another state. We can hire you later when that time's right. When we need a splinter up in our labor fight. I say tear up the mats and delete the borders. Psychological disorder, hey, hey. Playing games with your mind, playing games with your life. Making soldiers, here we go. Nationalism say it's a mental disease. It's eating away all our commonalities. I'm from everywhere, nowhere, and that's where I'll be from. I put on for my city and the city's world town. So fuck the nation states and the borders that they're keeping. All that shit's for some rich and politicians. Wishing it would all just disappear. But it's gonna take more than a kicking in your ear. But it's a spark, a start, a spark the for that fire. We take the shit farther, hey. Non cugini d'Oltralpe, ma fratelli di battaglie. L'inedia ti tedia, rinnega l'invidia. La coscienza non si piega se è la rabbia che ti guida. La certezza fuori orario di un futuro libertario si scontra coi bisogni di un moderno proletario. Sin dal canto del gallo han provato a indottrinarlo, ma la vita e le esperienze lo hanno reso un rinnegante dello stato governante, dello sbirro e del mandante. Lo ha sempre riverito innalzando il terzo dito. Preferisce la schiettezza più che acqua, birra fresca e la lotta coi compari delle case popolari. Check my ma la pura lotta coi compari delle case popolari. Tra collettivi, ma fratelli di battaglia. International collezione. Rivolta popolare. Immigré sort du buisson. Agressif, politisé, en colère. Fuck the nation states in the border. International collezione. FPP, fréquence Paris pluriel, donc programme du CSPCL, tous les troisièmes lundis du mois. Et aujourd'hui, on parle des apatistes essentiellement. Et donc, je vais vous lire le communiqué qu'ils ont donc envoyé le 31 décembre. Enfin non, le 30 décembre en fait. Le 30 décembre, et après avoir fait cette marche silencieuse, donc, ils ont écrit... Le ZLN annonce ses prochains pas. Communiqué du 30 décembre 2012. Donc c'est toujours le communiqué du comité clandestin révolutionnaire indigène, commandement général de l'armée zapatiste de libération nationale. Donc au peuple du Mexique, au peuple et gouvernement du monde, frères et sœurs, compañeros y compañeras. Le 21 décembre dernier, à l'aube, nous sommes des dizaines de milliers d'indigènes zapatistes à nous être mobilisés et à avoir occupé pacifiquement et en silence cinq chefs-lieux municipaux de l'état du sud-est mexicain qu'est le Chiapas. Dans les villes de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo et San Cristobal de las Casas, nous avons regardé et nous nous sommes regardés nous-mêmes en silence. Notre message n'est pas un message de résignation, il n'est pas de guerre, de mort et de destruction. Notre message est de lutte et de résistance. Après le coup d'État médiatique qui protège au sein du pouvoir exécutif fédéral l'ignorance mal dissimulée et encore plus mal maquillée, nous nous sommes manifestés pour leur faire savoir que si eux ne sont jamais partis, nous non plus. C'est-à-dire donc les partis au pouvoir. Il y a 6 ans, un segment de la classe politique et intellectuelle est parti chercher un responsable de sa défaite. Nous luttions alors dans les villes et dans les communautés afin d'obtenir justice pour un Atenco qui n'était alors pas à la mode. Dans cet hier, ils nous ont tout d'abord calomniés avant de tenter de nous faire taire. Incapables et malhonnêtes, pour voir qu'ils portaient et portent encore en eux-mêmes le levain de leur ruine. Ils ont prétendu nous faire disparaître avec le mensonge et le silence complice. 6 ans après, 2 choses restent claires. Eux n'ont pas besoin de nous pour échouer. Nous, nous n'avons pas besoin d'eux pour survivre. Nous qui ne sommes jamais partis, bien que les médias de tous bords aient tenté de nous le faire croire, nous avons ressurgi en indigènes apatistes que nous sommes et que nous serons. Durant ces années, nous nous sommes fortifiés et nous avons amélioré significativement nos conditions de vie. Notre niveau de vie est supérieur à celui des communautés indigènes proches des gouvernements en place, qui en reçoivent les miettes et les gaspillent dans l'alcool et les produits inutiles. Nos habitations s'améliorent sans pour autant abîmer la nature en lui imposant des chemins qui lui sont étrangers. Dans nos sillages, la terre, qui avant servait à engraisser le bétail des finqueros et des grands propriétaires, est aujourd'hui dédiée au maïs, aux haricots rouges et aux légumes qui illuminent nos tables. Notre travail reçoit la double satisfaction de nous approvisionner du nécessaire afin de vivre dignement, tout en contribuant à la croissance collective de nos communautés. Nos enfants vont dans une école qui leur enseigne leur histoire, celle de leur patrie et celle du monde, ainsi que les sciences et les techniques nécessaires afin de grandir sans cesser d'être indigènes. Les femmes indigènes apatistes ne sont pas vendues comme des marchandises. Les indigènes priistes fréquentent nos hôpitaux, cliniques et laboratoires d'analyse parce que dans ceux du gouvernement, il n'y a ni médicaments, ni appareils, ni docteurs, ni personnel qualifié. Notre culture fleurit non pas dans l'isolement, mais enrichie du contact avec les cultures des autres peuples du Mexique et du monde. Nous gouvernons et nous nous gouvernons nous-mêmes en recherchant toujours avant tout l'accord plutôt que la confrontation. Tout cela a été obtenu non seulement sans le gouvernement ni la classe politique, ni les médias qui l'accompagnent, mais aussi en résistant à leurs attaques de tout type. Nous avons démontré une fois de plus que nous sommes qui nous sommes. Avec notre silence, nous nous sommes manifestés. Maintenant, avec notre parole, nous annonçons que, premièrement, nous réaffirmons et nous consoliderons notre appartenance au Congrès national indigène, espace de rencontre avec les peuples originaires de notre pays. Deuxièmement, nous renouerons le contact avec nos compagnons et compagnes adhérentes à la 6e déclaration de la forêt Lacandona au Mexique et dans le monde. Troisièmement, nous essaierons de construire les ponts nécessaires en direction des mouvements sociaux qui ont surgi et qui surgiront, non pas pour les diriger ou les remplacer, mais pour apprendre d'eux, de leur histoire, de leur chemin et de leur destinée. Pour cela, nous comptons sur le soutien d'individus et de groupes de différentes parties du Mexique, regroupés en équipe de soutien des commissions Sexta et internationales de l'EZLN, afin qu'ils se convertissent en courroies de communication entre les bases de soutien zapatistes et les individus, groupes et collectifs adhérents à la 6e déclaration au Mexique et dans le monde, qui maintiennent encore leurs convictions et leur engagement pour la construction d'une alternative non institutionnelle de gauche. Quatrièmement, nous maintiendrons notre distance critique face à la classe politique mexicaine qui, dans sa totalité, n'a rien fait d'autre que de prospérer aux dépens des besoins et des espérances des gens simples et humbles. Cinquièmement, au sujet des mauvais gouvernements fédéraux, étatiques et municipaux, exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que des médias qui les accompagnent, nous disons la chose suivante. Les mauvais gouvernements de tout le spectre politique, sans exception aucune, ont fait tout leur possible pour nous détruire, nous acheter, nous soumettre. Parti révolutionnaire institutionnel, Parti d'Action nationale, Parti de la Révolution démocratique, Parti vert écologiste mexicain, Parti du travail, Convergence citoyenne, ainsi que le futur Parti de régénération nationale, nous ont attaqués militairement, politiquement, socialement et idéologiquement. Les grands médias ont essayé de nous faire disparaître d'abord au travers de la calomnie servile et opportuniste, puis au travers du silence sournois et complice. Ceux à qui ils ont servi et dont ils ont été l'argent ne sont plus là. Et ceux qui les remplacent aujourd'hui ne dureront pas plus longtemps que leurs prédécesseurs. Comme cela fut mis en évidence le 21 décembre 2012 dernier, ils ont tous échoué. Il reste donc au gouvernement fédéral, exécutif, législatif et judiciaire à décider s'il réitère sa politique de contre-insurrection qui n'a rien obtenu d'autre qu'une faible simulation, bêtement soutenue par la gestion médiatique, ou bien s'il reconnaît et tient parole au sujet de ses engagements en élevant au rang constitutionnel les droits et la culture indigène tels qu'ils sont établis dans ce qu'on appelle les accords de San Andrés, signés par le gouvernement fédéral en 1996, dirigé alors par ce même parti aujourd'hui en charge de l'exécutif. Il reste au gouvernement du Chiapas à décider s'il maintient la stratégie malhonnête et ruineuse de son prédécesseur, qui, en plus d'être corrompu et menteur, a utilisé les deniers du peuple chiapanec pour son propre enrichissement et celui de ses complices. Il s'est dédié à l'achat à visage découvert des voix et des plumes dans les médias, tandis qu'il plongeait le peuple du Chiapas dans la misère, en même temps qu'il utilisait ses policiers paramilitaires afin de tenter de freiner l'avancée du processus d'organisation des peuples zapatistes. Ou bien décider si, avec vérité et justice, il accepte et respecte notre existence et se fait à l'idée que fleurisse une nouvelle forme de vie sociale au sein du territoire zapatiste au Chiapas, Mexique. Un épanouissement qui attire l'attention de personnes honnêtes partout sur la planète. Il reste au gouvernement municipal à décider s'il continue à avaler les couleuvres avec lesquelles les organisations anti-zapatistes et soi-disant zapatistes les extorquent pour agresser nos communautés, ou bien s'ils utilisent alors ces deniers pour améliorer les conditions de vie de leurs gouvernés. Il reste au peuple du Mexique qui s'organise autour de la lutte électorale et qui résiste à décider s'il continue de voir en nous des ennemis ou des rivaux sur lesquels décharger leur frustration du fait des fraudes et des agressions dont au final nous souffrons tous, et décider si dans leur lutte pour le pouvoir ils continuent à s'allier avec nos persécuteurs, ou bien s'ils reconnaissent enfin une autre manière de faire de la politique. Je tourne la page. Sixièmement, dans les prochains jours, le ZLN, au travers de ses commissions Sexta et internationales, fera connaître une série d'initiatives de caractère civil et pacifique visant à marcher aux côtés des autres peuples originaires du Mexique et de tout le continent, ainsi qu'aux côtés des gens qui, au Mexique et dans le monde entier, résistent et luttent en bas à gauche. Frères et sœurs, compañeros y compañeras, auparavant, nous avions la chance de compter sur l'attention honnête et noble de divers médias. Nous les avons alors remerciés. Mais cela a été complètement effacé par leur attitude postérieure. Ceux qui ont parié sur le fait que nous n'avions qu'une existence médiatique et qu'au travers de l'isolement médiatique et du silence nous disparaîtrions, se sont trompés. Quand il n'y avait ni caméra, ni micro, ni plume d'écrivain, ni écoute, ni regard, nous existions. Quand ils nous calomniaient, nous existions. Quand ils nous passaient sous silence, nous existions. Et nous sommes là, existants. Notre chemin, comme cela a été démontré, ne dépend pas de l'impact médiatique, mais de la compréhension du monde et de ses parties, du savoir indigène qui régit nos pas, et de la décision inébranlable qui apporte la dignité d'en bas à gauche. À partir de maintenant, notre parole commencera à être sélective quant à ses destinataires. Et à part quelques occasions, ne pourra être comprise que par ceux qui ont marché et qui marchent avec nous, sans se soumettre au mode médiatique et conjoncturel. Ici, bien qu'avec un certain nombre d'erreurs et beaucoup de difficultés, une autre forme de faire de la politique est déjà réalité. Peu, très peu auront le privilège de la connaître et d'apprendre directement d'elle. Il y a 19 ans, nous les avons surpris en occupant leur ville avec le feu et le sang. Aujourd'hui, nous l'avons refait sans armes, sans mort. Nous nous différencions ainsi de ceux qui, durant leur gouvernement, ont réparti et répartissent la mort entre les gouvernés. Nous sommes les mêmes qu'il y a 500 ans, qu'il y a 44 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a à peine quelques jours. Nous sommes les zapatistes les plus petits, ceux qui vivent, luttent et meurent dans le dernier recoin de la patrie, ceux qui ne titubent pas, ceux qui ne se vendent pas, ceux qui ne se rendent pas. Frères et sœurs, compañeros y compañeras, nous sommes les zapatistes, recevez nos abraçades, démocratie, liberté, justice, depuis les montagnes du sud-est mexicain. ¡Viva el EZLN! ¡Viva! ¡Viva Zapata! Thank you. Abonando, nada más me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo mi cigarro de hoja. Patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón. Que te tocó, te contesté yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra para seguirla sembrando. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos, 10 centavos más lo que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre que nada más te está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compadre, ya no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones, ni yo tengo ya faldillo, ni tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, fue que dejé a mi patrón, me decía mi prenda amada, que traía el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre. Si te he seguido creyendo lo que dicen en los medios, pura manipulación, mentiras del gobierno, en el campo está el patrón, los tinqueros y hacendados, cuales plantas y ratones, nada más explotando pueblos, masticando nuestra tierra y allá en las ciudades, los políticos corruptos, los mafiosos y banqueros, nada más chupando la sangre a la gente, a los obreros, es por eso que Zapata ahora cabalga de nuevo la revolución civil, viva el autogobierno, se me reventó el barzón. FPP 106.3, Fréquence Paris Pluriel, donc, qui nous accueille tous les troisièmes lundis du mois, donc programme La Jungle des Luttes. Donc vous pouvez éventuellement réécouter les programmes via le site du CSPCL. J'en profite pour vous le donner, cspcl.ouvaton.org. Il y a des petits liens et donc vous trouvez l'émission de radio FPP, donc un lien où vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on a pu récupérer, parce qu'il y a une partie qui a été perdue, mais vous retrouvez normalement toutes les archives. Et donc, si vous voulez réécouter celle-ci ou les autres, voilà, celle-ci, vous pouvez éventuellement la réécouter jeudi matin. Et vous pouvez également, sur ce site, j'en profite pour en parler, trouver des liens sur Échange Solidaire. Et donc, c'est une association qui a été montée par les gens du comité pour vendre le café Zapatite, puisqu'ils sont essentiellement producteurs de café. Et donc, on distribue le café, on en a déjà parlé. C'est toujours le temps d'en acheter, il y en a encore, et vous pouvez également commander votre café pour l'année prochaine, puisqu'on fonctionne avec un système de pré-vente, on n'est pas une entreprise ni un commerce, etc. Donc il faut qu'on récolte des fonds pour pouvoir payer à l'avance les producteurs, et au moment où le café arrive jusqu'à nous, il faut qu'on ait de quoi payer, donc il faut qu'on vende le café un peu en avance. Mais c'est voilà, un échange, c'est un travail solidaire. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez donc cspcl.ouvato.org retrouver les liens. Et donc, si vous avez compris depuis tout à l'heure, là, on vous passe par moments des petits morceaux, des extraits de sons de la marche silencieuse. Et donc, c'est des sons qui ont été donnés précisément par les sources. Via des informes Menos, par exemple, vous pouvez retrouver des informations. Donc, vous pouvez taper http://desinformemonos, comme ça se prononce, .org/2012/12, sin palabra la marcha de los zapatistas. Donc, vous pouvez retrouver pour ceux qui sont intéressés, pour retrouver, écouter et surtout voir aussi des photos, et il y a des images sur la mobilisation, toujours avec des informemonos. Donc on en profite pour saluer des informemonos, qui est un travail fait par des gens un petit peu de tous les milieux, mais surtout en tous les cas intéressés par ces luttes en bas et à gauche, à ces luttes dont on n'entend pas parler, sur qui en général on donne souvent dans les médias des fausses informations, justement, et là il s'agit de justement reconstruire l'information sur le bon chemin. Et donc c'est un petit peu ce que veut dire désinformons-nous, ça veut dire désinformons-nous, c'est-à-dire un petit peu sortir des grands médias dont justement la carte des zapatistes parle. Et donc on a bien compris que les zapatistes étaient en train de faire une sorte de petite rupture avec tout ce qui était négociation. Évidemment, ça, ils l'avaient déjà fait, mais toute discussion et toute rencontre et de un peu mettre de côté tout ce qui s'est montré vain jusqu'alors, et donc de plutôt resserrer un petit peu les liens justement avec ceux qui correspondent et qui luttent vraiment en bas et à gauche. Évidemment, le nouveau pouvoir, puisque vous l'avez compris, donc c'est le PRI qui est revenu au pouvoir là cette année. Donc ce parti qui avait déjà gouverné tout le XXe siècle, de retour après une petite interruption seulement de 12 ans. Donc évidemment, ce n'est pas assez long pour réellement rompre tous les liens et tous les rouages, et d'autant qu'ils étaient encore dans des villes, dans certains États, etc. Donc le PRI est encore bien présent et effectivement a pu être assez arrogant pour dire que en fait personne que les zapatistes ne connaissaient pas les priistes, justement suite aux annonces des zapatistes, quand en réalité finalement les zapatistes peuvent répondre qu'ils les connaissent très bien, puisqu'ils se sont soulevés alors que les priistes étaient évidemment au pouvoir. Et surtout finalement, dans la stratégie, le PRI maintenant est un peu en train d'essayer d'essayer de me remettre la question des accords de San Andrés sur la table. Donc, ce qui est une grande hypocrisie, puisque de toute façon, évidemment, ils vont probablement jamais refaire une autre loi. Et à quoi bon discuter, d'autant que les zapatistes doivent pas pouvoir se remettre à la table des négociations, sachant tout ce qui a pu se passer. Donc,

justicia, el pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. No pongo piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada. ¿Y de dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? De la barricada. ¿Y de dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? FPP, Jungle des luttes, le programme du CSPCL. On est ensemble encore un bon quart d'heure. Donc justement, Beto est arrivé et je voulais qu'on profite de sa présence pour qu'il nous parle plus, lui, de l'intérieur, de ce qui se passe au Mexique depuis que le prix est revenu, bah, par exemple, notamment. Et puis, justement, comme il est impliqué dans cette tournée là qu'il y a, et donc lui-même de toute façon est impliqué dans des luttes au Mexique, à Mexico, au DFE, Distrito Federal, et donc je vais le laisser un petit peu nous donner son avis sur ce qui se passe, et puis plus tard on présentera justement cette tournée, dans quel contexte ça s'inscrit et pourquoi et comment, avec qui. Donc, hola, buenas tardes, buenas noches, Beto. Bonsoir, buenas noches. Entonces, je vais le traduire, bien sûr, hein, parce qu'il va parler en espagnol. Claro. Donc, tal vez nos puedes hablar de lo que está pasando en México desde que vino el PRI al poder, lo que se... Bueno, lo que, aunque no cambia mucho de la represión y de todo que sigue, ¿no? Más o menos por los poderosos, ¿no? Pero unas veces son estrategias. Oui. Hay dos visiones sobre el regreso del PRI. Il y a deux visions sur le retour du PRI. La première vision est la que se pretende fundamentar en una supuesta transición democrática. Hablando de que el PRI ha regresado nuevamente después de 12 años de haber dejado el gobierno. Donc en fait, il y a une première vision qui dit que le PRI est revenu renouvelé après 12 ans hors du pouvoir fédéral, et donc il y a une sorte de renouveau du PRI, plus démocratique. Esa visión es más bien como la visión de los grupos políticos, partidistas, de los grupos económicos y de quienes se mueven para obtener beneficios por parte del gobierno. Donc évidemment, ça c'est la vision partagée par les politiques, les groupes économiques et tous ceux qui veulent pouvoir profiter de ce retour au pouvoir et des bénéfices et de pouvoir se les partager. D'accord. Sin embargo, hay otros grupos, otras personalidades, otras personas en el país, quienes sostenemos que el PRI nunca se fue, nunca se ha ido, y lo podemos ver porque en la imposición de Peña Nieto como presidente de México se ve claramente la mano de los grupos como el de Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de la República. Y entonces, evidentemente, hay otros grupos que, eux, pensan que justement le parti, lui, n'est jamais parti, que c'est toujours le même. Et il y a le Peña Nieto, qui est aujourd'hui le président, le prouve véritablement, puisqu'il fait partie du groupe de la même façon que l'était le président, le dernier président du PRI, Carlos de Gortari. Así es. Y se ve claramente porque también las políticas económicas y sociales ante una continuidad hacia la privatización de todos nuestros recursos naturales. De toute façon, les politiques économiques et sociales sont toujours allées dans le sens de la privatisation de nos ressources et de nos ressorts et de nos ressources naturelles. Y es por eso que con este, entre comillas, nuevo regreso del PRI al gobierno, se dirige la batería política y represiva del Estado hacia quienes consideramos que el PRI nunca se ha ido y que estamos en contra de su política de privatización. Et donc c'est justement précisément parce qu'il réactive une machine de répression qu'on peut dire que tous ceux qui luttent contre leur privatisation et leur projet, toute la répression qui est subie est bien la preuve que ce parti démocratique, soi-disant, entre parenthèses justement, n'a justement rien de démocratique puisque la répression subie est la même que celle qui a toujours été connue avant. Así están buscando, están generando políticas de gobierno que van enfocadas hacia la cooptación de los grupos y si no aceptan, hacia la represión de los mismos. Donc en réalité, la politique, c'est la cooptation de ceux qui éventuellement n'iraient pas dans leur sens et donc sinon, s'il n'y a pas possibilité de cooptation, c'est répression. A los pocos días de que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República, dieron a conocer un pacto que se llama Pacto por México, que fue firmado por los principales partidos políticos partidistas del país. En réalité, quand Peña Nieto est arrivé, il a tout à fait montré encore sa volonté en faisant signer un pacte pour le Mexique à tous les partis. Nosotros consideramos que ese Pacto por México tiene como finalidad golpear, debilitar, deshacer a los movimientos sociales que no comparten sus políticas y colocarlos en una posición como la que ellos llaman de vándalos y delincuentes. Donc dans ce pacte, c'est tout simplement la posibilité du coup de mettre en place la répression et d'abattre et d'affaiblir tous ceux qui sont contre leur politique et donc de les cataloguer justement comme des délinquants. Así es. Por ejemplo, durante la investidura de Peña Nieto como presidente el 1 de diciembre, grupos que se manifestaban en contra del proceso electoral que se llevó en el país, que se manifestaban afuera de la Cámara de Diputados, fueron reprimidos violentamente por las fuerzas federales y también por las fuerzas locales de la Ciudad de México, cosa que nunca se había visto. Donc le jour de la prise de pouvoir, le 1er décembre de Peña Nieto, il y a eu une manifestation contre le processus tel qu'il s'était déroulé. Et donc cette manifestation avait lieu devant la Chambre des députés, ce qui a pu arriver à d'autres moments, mais là, il y a eu une terrible répression des forces fédérales et des forces de la ville de Mexico. Et durant cette répression, la mayoría de los grupos, hubo más de 100 detenidos en primera instancia, y después solamente 16 personas fueron quienes fueron recluidas en las cárceles de la Ciudad de México. Donc ce jour-là, il y a eu 100 prisonniers et dont 16 ont été emprisonnés dans les prisons de Mexico. Quienes ahora ya están fuera de la cárcel, pero siguen sujetos al proceso penal. Donc en fait, ils ont encore du coup, même s'ils ont pu au jour d'aujourd'hui sortir de prison, il y a toujours le processus le procès, il y a toujours un procès sur eux. Digo esto porque estos jóvenes antes del 1 de diciembre eran considerados jóvenes que luchaban por una transformación democrática del país. Eran considerados, muchos de ellos en parte, o estaban de acuerdo con lo que nació durante las campañas políticas que se conoció o se conoce como el movimiento Yo Soy 132. Donc, en fait, on en a déjà parlé ici. Ces jeunes sont précisément des jeunes qui faisaient partie du mouvement Yo Soy el 132, je suis le 132. C'est donc des jeunes qui s'étaient précisément mobilisés sur la question des processus démocratiques. Et hoy, a estos jóvenes que antes se les reconocía por su participación democrática en la política, ahora son los llamados vándalos y delincuentes. Donc eux qui étaient effectivement reconnus comme ceux qui luttaient pour des processus démocratiques et reconnus comme tels sont aujourd'hui des délinquants. Entonces, enfin, traités comme délinquants, justement. Entonces es muy claro que a partir de la llegada, de la nueva llegada del PRI al gobierno, estos grupos están, van a ser criminalizados, ¿no? Donc, on le voit très bien depuis que le PRI est arrivé au pouvoir. Tout montre, tous les signes vont dans le sens d'une répression et d'une considération de ces groupes qui luttaient comme délinquants Otro, ou bandits. Perdón. Otro ejemplo de ellos es que en el año 2003-2004 hubo una pretensión por parte del gobierno de la República Mexicana para construir un aeropuerto en el municipio del Estado de México que se llama San Salvador Atenco. En 2001. De eso sí, hemos varias veces platicado, y en, pardon, oui, on en a parlé souvent justement, en 2001, il y a eu une tentative, enfin il y a eu des répressions sur une lutte contre le grand projet d'aéroport à Atenco. En ese momento, en ese tiempo, el gobernador del Estado de México era quien hoy es presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Et donc à l'époque de la répression, justement, au moment de notre campagne en 2006, c'était Peña Nieto qui était justement aux commandes et au pouvoir de l'État de Mexico. Así es. Los compañeros de San Salvador Atenco lograron, pues como mucha gente sabe, detener el proyecto de construcción del aeropuerto. Y mantienen una presencia constante en las luchas sociales y políticas solidarias del país. Et donc, comme vous le savez, donc les gens d'Atenco qui étaient sortis victorieux de cette lutte sont restés présents sur toutes les processus d'organisation sociale et politique. Es por eso que también el 1 de diciembre los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que son la gente de San Salvador Atenco, igualmente se manifestaban fuera de la Cámara de Diputados en contra de la llegada a la presidencia de Peña Nieto. Et donc les gens qui ont lutté sur Atenco, c'est-à-dire le Front populaire en défense de la terre, s'est lui aussi manifesté le 1er décembre devant la Chambre des députés nationale pour protester contre le processus électoral. Es por eso que bueno, y entonces lo comento porque días después de la represión del 1 de diciembre, en los medios de comunicación del país, en la mayoría de ellos, se comenzaron a filtrar noticias en las que se señalaba que de nueva cuenta el gobierno federal estaba buscando los responsables de las manifestaciones del 1 de diciembre y entre ellos señalaban de nueva cuenta a los compañeros del frente. Et donc là, une fois encore, les médias ont toujours mis en avant le fait que s'il y avait des responsables à chercher dans l'organisation de cette manifestation, on pouvait peut-être voir qu'il y avait Atenco qui était parmi ceux qu'on désignait comme étant à l'origine de cette manifestation. Une fois encore, toujours Atenco. Es por eso que es muy claro para nosotros que con la llegada del PRI al gobierno de la República es muy clara su nueva política, ¿no? Es o cooptación o represión en contra de quienes están en contra de ellos. Donc voilà, c'est clair depuis qu'il y a le PRI, c'est cooptation ou répression. De acuerdo. Entonces hablamos precisamente, ¿no? De lo que puede pasar con los de Atenco que nos falta poco. Entonces la cuestión es que nosotros consideramos que el gobierno federal ahora con el PRI va a buscar vengarse, volver, no sé, la palabra va a buscar prétexte cualquier. Prétexte para volver a golpear a los compañeros del frente. C'est sûr que tout le monde est bien conscient que la stratégie du prix, ça va être probablement donc de trouver n'importe quel prétexte pour pouvoir encore s'abattre sur Atenco qui leur gêne systématiquement le passage et sont systématiquement réprimés. Así es. Y entonces nosotros estamos buscando una cobertura política y una cobertura social, una cobertura internacional para los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, porque van a ser, consideramos, los primeros que van a estar golpeados por parte. Donc, y a l'idée de absolument mener une campagne, si on peut dire, politique, sociale et internationale pour être attentif à ce qui va se passer pour le Front populaire en défense de la Terre, puisqu'on on pense qu'ils seront probablement les premiers à être attaqués. Parce que pour nous, c'est important de montrer au monde que el gobierno federal, no solamente el PRI, sino históricamente en el país, pero bueno, ahora está el PRI, tiene como política acallar cualquier expresión de protesta. Y lo que queremos es que se sepa que los compañeros de frente que lograron detener un proyecto privatizador de sus tierras van a ser carne de cañón, ¿no? Para. Donc en fait, pour nous, c'est très important de faire savoir que ce pouvoir du Mexique, donc le prix aujourd'hui, mais tous les autres avant et notamment souvent le prix, donc ce pouvoir fédéral a vocation à faire taire. Et l'objectif de cette campagne, c'est aussi par contre de faire savoir que justement, Atenco a réussi à lutter contre un projet et la privatisation des terres. Et donc, por eso va a tener una. Porque tenemos que dejar el micrófono. Es por eso que estamos buscando venir a Europa, principalmente a Francia, con el compañero Ignacio del Valle, que es el líder del movimiento de pueblos en defensa de la tierra, y acompañado de un grupo de rock, de ska, que tiene 20 años en la escena artística y de lucha y solidaridad, que se llama La Resistencia de México. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a l'idée de faire une campagne en Europe et en France, donc notamment avec Ignacio del Valle, qui est l'un des leaders, entre guillemets, du Front populaire en défense de la Terre, accompagné d'un groupe qui fête ses 20 ans, un groupe de rock ska, Résistance de México. Et donc, ça serait plutôt en mai en France. Donc, on est tous attentifs. Enfin, soyez tous attentifs à ce qui va se passer donc, au mois de mai pour pouvoir les accueillir. Et donc, du coup, vous pouvez continuer à nous écouter, avoir des infos sur notre site pour pouvoir justement être attentif à ce qui va se passer au mois de mai avec nos copains mexicains qui seront là sur place. Et donc, vous aurez des informations également sur le site du cspcl.ouvaton.org. Merci Beto, gracias Beto. Et donc, on vous redonnera des nouvelles. Et ceux qui veulent accueillir ce groupe Roxka, n'oubliez pas de nous donner des contacts. A ciao, on se retrouve au mois de février. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata,